Bonjour à toutes et bonjour à tous, vous êtes sur Radio Campus Lille et vous écoutez Goodbye Kevin. Bonjour Pierrot. Bonjour Léna, comment vas-tu ? Ça va très bien, cette émission 226, c'est ça ? Ouais, c'est ça, que des chiffres toujours. Pairs. 8, 226 et on n'est pas un jour pair, le 7 octobre. Qu'est-ce que tu nous as prévenu, aujourd'hui, mon petit Pierrot ? Alors, j'ai prévu de l'indie punk australien. Encore sur de l'indie, mais cette fois rock. Un rock un peu 60s qui vient de Toronto et avec une petite anecdote un peu triste. Ensuite, on va virage à 180, 360, on n'en sait rien, avec une bonne dose de dub. Puis après, on retourne sur du psychédélisme d'Austin. Ça donne une petite indication, la ville d'Austin. Et enfin, on va finir de mon côté par un petit classique indie pop qui pourrait faire plaisir à Morrissey et ses Smiths. Très bien, ben de mon côté, en guise d'entrée en matière, on aura le droit à une petite envolée pop psyché avec le projet solo du meneur du groupe Corridor qu'on ne présente plus. Faut que j'arrête de dire ça, je l'ai dit la semaine dernière. Je n'ai pas arrêté de dire ça. On ne les présente plus. On bifurquera ensuite vers du punk pop ou de la pop punk new-yorkais, je ne sais pas, c'est comme vous voulez. Et on restera à New York avec de la Vaporwave de Brooklyn cette fois. Et puis on posera nos valises à Zurich avec un petit rock garage 100% féminin. Voilà ma programmation, ma Selecta. Selecta Babylon, Babylon. Et bien de mon côté, on va commencer, on va ouvrir cette émission 226 avec le groupe Cage Savage and the Last Drinks. Joli nom pour ces Australiens. Cage Savage, qui c'est ? C'est une songwriter plutôt indie punk d'Australie, qui est assez charismatique, qui était en concert il y a 10 jours à l'aéronef avec les Beachwood. C'est ce que j'allais te dire. Et ma foi, c'était assez cool. Il y avait ce côté très rock, très punk, mais même avec des sonorités noise, donc assez lourdes. Et en même temps, il y avait un petit côté folklore, puisque tu avais un violon qui donnait ce côté-là. Donc c'était assez surprenant, mais et agréable. Et donc elle, c'est une songwriter qui travaille, qui a des textes qui sont assez critiques, notamment envers notre société de consommation, et également envers l'intolérance. Donc moi, ce que je te propose d'écouter, c'est un extrait du premier album. Même s'ils ont sorti la dernière sortie, c'est plus un live qui est sorti. Leur album en tant que tel, il était sorti en 2018. Mais sur ce live, tu trouves des inédits. C'est ça qui est intéressant. Mais moi, je vous propose un album qui est sorti en 2017 qui s'appelle One of Us. Et on va écouter le morceau tube, c'est l'un de leurs morceaux phares qui s'appelle Run with Dogs. Now the dogs are barking. They come to take you home. They cut a path over the hills, and through the hills you run. Mother's not alone. Voilà, Kate Savage and the Last Drinks. Et je trouve qu'il y a un côté, je sais pas, tu traverses l'Australie en train, avec le, ça fait tchou, comme un petit train. Et Léna, tu disais qu'il y avait un côté country, effectivement, c'est le violon, je sais pas. En tout cas, gros coup de cœur, quoi, j'ai bien aimé. Je n'aime pas tout dans l'album, mais je me suis fait un petit best-of à moi avec le live et, les deux, et l'album suivant qui était sorti en 2018, qui est très bien aussi. Et ça fait un chouette projet, c'est cool. Et sur scène, c'était sympa. Eh bien, très bien. On va enchaîner avec Jonathan Person, qui est un artiste montréalais dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois dans l'émission, membre et meneur du groupe Corridor également. Il a sorti son troisième album solo cet été sur le label Bon Sonde. Album éponyme dont il a album éponyme dont il a composé tout seul d'abord les morceaux avant d'inviter ses petits poteaux musiciens à venir y ajouter leur petit grain de sel. Je te propose d'écouter un des tout premiers singles qui était sorti à présent. Et voilà, moi, après écoute de cet album, c'est vraiment l'un des morceaux qui m'est le plus resté. Voilà, il y a un petit côté cinématographique là-dedans que j'aime bien. Donc, à présent, de Jonathan Person. C'était Jonathan Personne avec à présent issu de son troisième album éponyme sorti cet été sur le label Bon Sonde. Eh bien, on va enchaîner toujours avec le Canada, puisqu'on va écouter un groupe de Toronto qui s'appelle The Sadies. On va écouter un extrait de leur dernier album qui s'appelle Colder Streams. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Album enregistré à Montréal, donc ça fait un peu écho à Jonathan Personne, parce qu'il est de Montréal ou de la banlieue maintenant ? Peut-être, oui, bah oui, maintenant qu'il a une petite fille, voilà, il a fondé sa petite famille. Donc The Sadies, sans doute leur dernier album, malheureusement, dernier album studio, puisque un des cofondateurs du groupe Dallas Good, il est décédé en février dernier. C'est un groupe qui a une discographie assez foisonnante, quoi, avec une multitude d'albums. Il avait quel âge ? On sait ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, sur leur album, qui est salué par la critique, est peut-être un des meilleurs. Le groupe, bah, il est toujours un peu sur les mêmes influences. C'est-à-dire qu'il revisite un peu le rock psychédélique, un peu des Byrds. Il y a de la country folk et il y a du garage rétro. On retrouve même John Spencer sur un des morceaux. Donc pour te dire, et c'est un chouette album que j'ai écouté avec une ambiance très 60s et très psychédélique. Et moi, j'ai choisi de vous passer comme morceau More Alone de The Sadies. C'était The Sadies et le morceau More Alone, issu du dernier album Colder Streams. Allez, on va se réveiller un petit peu parce qu'on est endormi dans les studios. Bon, on a un peu une heure normalement où c'est la sieste, donc c'est pas grave. Ouais, on est en pleine digestion. On enchaîne avec Ribbon Stage. Ribbon Stage, c'est un trio originaire de New York City Beach. J'ai marqué ça dans mes notes. C'est vrai ? Ouais, Beach. Qui mêle le punk et la pop à la perfection. Et ce qui devait être à la base une série de démos s'est vite transformé en un premier EP qui est sorti cet été dans le cadre de la série internationale Pop Underground du label K Records. Et là, ils vont sortir leur début album courant octobre qui s'appellera Hit With The Most et dont on écoute deux extraits et non pas un puisque c'est très court, vous allez voir, c'est des morceaux d'une minute 48, à peu près 49. Voilà, donc le premier s'appelle Exaltation et le deuxième s'appelle Stone Heart Blue et c'est mon préféré. C'était Ribbon Stage avec les morceaux Exaltation et Stone Heart Blue. Voilà. Très cool, j'aime bien le côté un peu lofi. Et puis, oui. Je sais pas, que c'est de... Très minimal et très. Bon, c'est efficace, voilà. Bim, tu mets ça, hop, ça change toutes les deux minutes, t'es bien. Enfin, voilà. Non, voilà, mais la basse, la doudoudoudou, la batterie, oui. Très simple. Ouais, puis après, c'est cool. la petite voix nonchalante. Voilà, allez, c'est bien. C'est efficace, voilà. On l'aime bien. On kiffe. Allez, on enchaîne. Allez, on enchaîne avec... on va passer un style qu'on aime beaucoup avec Léna, mais qu'on passe pas souvent. Je l'ai dit dans l'intro, mais peut-être que vous arrivez en cours de route de cette émission, le dub. Ah oui, c'est vrai. Le dub. Ah, tu te demandais ce que c'était. Bah oui, j'avais oublié. Oh là là. En plus, tu m'as dit avant l'émission, ah, je passe ça et tout. Et c'est vrai que j'avais complètement oublié ça. Voilà. C'est ça. Et donc, le dub. Et là, je vais passer à un groupe qui est plutôt une fusion entre deux piliers de la scène française dub, à savoir Zenzile et Hayton. J'étais encore en train de charger. Et ça fait Zenton. Et qu'est-ce qu'il s'appelle Ryokezak. Et là, c'est la deuxième collaboration entre eux. Ils avaient fait une première collaboration en 2005. Donc déjà, ça remonte. Et là, ils ont sorti une nouvelle collaboration qui s'appelle Zentone Chapter 2. Et moi, je vous propose d'écouter le morceau Stone Cold Dub. Et ce qui est bien dans cet album, et c'était la même chose dans leur première collaboration, c'est qu'un coup, c'est mixé par Hayton, un coup, c'est mixé par Zenzile. Et c'est précisé à chaque fois. Voilà. Alors moi, je peux rajouter un petit truc. C'est bien Stone sûr. Cold Dub. Ouais. Il y a une expression en Angleterre, c'est Stone Cold Dead. C'est, il est mort comme la pierre froide. Il est froid comme, enfin, tu vois. Ah ouais. Je sais plus comment on dit en français. Voilà. Je pense qu'il doit y avoir un écho. Je pense. Et ben tout de suite, Zenzile et Hayton dans Goodbye Kevin. J'espère vraiment que vous avez écouté ce morceau en mettant votre capuche, si vous avez un soutien capuche, ou un bonnet enfoncé sur les oreilles. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait, je l'ai mis là, je l'ai encore sur les oreilles. Il a mis son casque par-dessus comme un... Comme un fan. Voilà, c'était Zentone. Peut-être qu'on passera un autre morceau, peut-être pas. En tout cas, écoutez-les, même leurs albums individuels, c'est très très chouette. Il y a un côté crotte-rock que je trouve dans le Son. C'est un côté un peu motorique et répétitif. Et voilà, et qui est très très bon. Voilà, on va pas se mentir. Eh bien, on change pas radicalement de style, parce que tout à l'heure je t'ai parlé de Vaporwave. Du coup, on va écouter Oneotrix Point Never, et c'est l'alias de Daniel Lopatin depuis 2007. Pardon. Et lui, c'est un musicien installé à Brooklyn qui a collaboré avec pas mal de gens, notamment des artistes comme The Weeknd, FKA Twigs ou encore Iggy Pop, pour ne citer que. Et lui, ce qu'il kiffe, c'est un peu genre les synthés vintage, l'expérimental et les sonorités un peu drone ou ambiante. D'ailleurs, il a été souvent rapproché à ces styles-là. Et il est d'ailleurs considéré comme le fer de lance de la Vaporwave. Donc voilà, cette utilisation de synthés un peu, enfin de toutes les technologies un peu des années 80-90 et tout, avec ce côté-là. Un peu vaporeux, justement. Lui, il est sur le label Warp Records depuis 2013. Et nous, on va écouter un extrait de son album Magic Oneotrix Point Never, qui était paru en 2020. Et donc, le morceau s'appelle I Don't Love Me Anymore. Tu vas voir, c'est un peu particulier, mais moi, j'aime beaucoup. Thank you. C'était Onotrix, c'est ça, Point Never, avec I Don't Love Me Anymore. Voilà, morceau qui tient ses promesses. On va rester sur ce côté un peu psychédélique, mais dans un style un peu plus brutal, avec les Black Angels qui viennent, qui viennent de sortir un nouvel album 5 ans après Dead Song. Sixième album qui s'appelle Wilderness of Mirror, toujours chez Partisan Records. Et au final, bah, il a été fait à Austin, c'est pas étonnant, c'est chez eux. Et on est toujours sur du rock psychédélique au programme. Un album qui est peut-être un peu moins monolithique, comme on pouvait avoir avec les autres, où une batterie très lourde. Ouais, voilà. Ils partent plus vers d'autres horizons, en tout cas ils testent. Ça manque peut-être un peu de liant ou de méga tube qui ressort en disant waouh, la claque. Mais ça reste quand même un album de bonne facture, mais t'as l'impression que c'est un bloc de psychédélisme. En tout cas, c'est un album où bah, ça dénonce un peu les méfaits de notre société. Quoi. C'est assez... Engagé. Engagé, tout à fait. Et je vous propose d'écouter le morceau Empire Falling. Falling. Empire Falling. Empire Falling. Moi, je dis ça, ouais. Là, tu dis comme ça. Vous le savez, notre prononciation est toujours très parfaite. Et en plus de ça, quand il n'y a pas notre gros accent du Nord, donc... on se fout un petit peu. On fait de mots de mieux. The Black Angel et Empire's Falling. We'll be right back. Et on a enchaîné avec un deuxième morceau des Black Angels qui s'appelle Without a Trace. Et qui ressemble plus à ce qu'ils font d'habitude. Ouais. Et sur le premier que t'as passé, le morceau juste avant, c'était plus énervé, il s'était plus réveillé. Hein. C'était un peu plus rapide, c'est ça que tu voulais dire. C'est ça. Un peu plus pop aussi, ça t'avait pensé au La Shadow Puppets. Oui, c'est vrai. Ouais, bah voilà, c'est ça qui est différent, mais je pense que c'est un album qui mérite plusieurs écoutes. En tout cas, pour les fans. Comme les aficionados, t'allais dire. J'allais dire, mais je me suis retenu. Je suis retenu de le dire comme un gogo. Sur la prononciation. J'ai failli faire une blague en plus sur le morceau Without a Tracks. Dans le caleçon, j'allais rajouter. Ah. Pas de trace dans le calbut. Les Black Angels nous permettent ça. On enchaîne, Léna. On enchaîne avec les Bad Babe, pardon, qui est une formation 100% féminine venue de Zurich. Très garage et très post-punk, c'est un peu... Alors c'est à grands coups de riffs bruts et parfois distordus qu'elles nous balancent leurs compos qui sont généralement assez brèves, très acérées, très efficaces. Dirty Clothes, c'est le nom de leur premier album qui est sorti à la mi-septembre chez Irascible Records. Irascible dont je vous parle assez régulièrement, c'est un label suisse que j'aime bien, beaucoup même. Et voilà, donc on va en écouter un extrait de cet album-là qui s'appelle donc l'extrait de l'album s'appelle Concrete. Et on va enchaîner avec un single qui était sorti en janvier dernier et qui lui n'est pas sur l'album et qui s'appelle Quiet Smile. Donc tout de suite, Bad Bait, pardon, avec les morceaux Concrete et Quiet Smile. I stare at the window and I only see. Thank you. c'était Bad Bait avec Concrete, qui ressemblait un peu à Oye Ye Ye, tout début des années 2000, et Quiet Smile, donc voilà, et ça ressemble aussi un petit peu à Ribbon Stage que j'ai passé un peu avant, plutôt dans l'émission. Voilà, et ce petit côté un peu court et très minimal. Ouais, je pense que t'as tout dit, j'ai rien d'autre à rajouter, mais c'est vrai que c'est bien chouette. Bien chouette. Très bien, merci pour ta contribution, Pierrot. Non, mais qu'est-ce que je dis, j'allais répéter ce que tu as dit intelligemment, je l'allais le dire bêtement. Ah ouais. Et mon vélo. On va enchaîner avec un groupe qui s'appelle The Cry. Vous l'avez bien compris. Vous n'allez pas pleurer. Ah, si, ça va pleurer dans les chaumières. C'est un groupe issu des années 90, il y a peu d'infos dessus. En tout cas, je vous propose d'écouter un extrait de leur premier album qui était sorti en 1990, Beautiful Reasons, et qui s'inspire fortement des Smiths et de la voix de Morrissey. En tout cas, c'est assez beau, c'est tendre. Et le morceau s'appelle Alone. Et l'écouter tout seul, on l'écoute ensemble. Voilà. Oh là là, je dis n'importe quoi. C'était The Cry. J'allais dire c'était les Smiths. C'est fait une petite blague. Voilà, et l'album est très très chouette. Moi je connaissais pas, j'ai redécouvert, cet été pour tout vous dire. Et je le suis passé, un petit bonheur, un petit bonbon anglais des années 90. Et on va terminer, comme annoncé, avec un morceau des Cash Savage and the Laced Drinks sur l'album Good Citizen sorti en 2018. Et on va écouter le morceau Human I Am. Et on termine l'émission là-dessus ? C'est possible. C'est pas possible, c'est possible. On va voir, on sait pas trop. Si, je pense que ça va se terminer là-dessus. Et donc, on vous dit au revoir. Au revoir et puis à la semaine prochaine, bien sûr. Bien sûr. One of them.